On va faire le bilan des Jeux olympiques de Rio. On devait parler à Frédéric Daigle, mais finalement, il a su le vol du retour. Mais on perd rien. On va parler avec celui qui était un des chefs d'antenne de RDS durant les Jeux olympiques. Il est natif de Normandin. Vous l'avez entendu à quelques reprises, c'est Michel Lapris. Salut, Michel. Bonjour. Michel, comment t'as trouvé ton expérience? Ça a été enrichissant, je dirais. Ça a été un peu déstabilisant au début parce que c'est tout autre chose que ce que je fais d'habitude. Oui. Puis c'est le fun. J'ai appris encore vraiment plein de choses là-dedans. Puis ce qui est le fun de savoir, c'est que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on apprend tout le temps. Là, j'ai appris vraiment beaucoup là, pendant les Jeux Olympiques à faire le poste de chef d'antenne. Là, ça m'a fait découvrir plein de choses, plein de monde aussi, parce qu'il y avait plein de gens avec qui j'avais jamais travaillé, que je croisais à RDS depuis des années, OK. mais j'avais jamais travaillé avec eux. Et puis là, ces gens-là, c'est des professionnels, ça n'a aucun bon sens. Donc, je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Une journée de travail, c'était quoi? Je sais que j'ai essayé de te parler durant les Jeux. Tu disais ça va être impossible, je vais être non-stop en onde de 6 h à 3 h. Mais une journée de travail de Michel Laprise durant les Jeux, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à des horaires de jour, de soir, d'après-midi, de soirée. Il y a eu 6 fois pendant les Jeux que j'ai été chef d'antenne pendant le tournoi de golf chez les hommes OK. et les femmes. Ça commençait, fallait que le tournoi commençait à 6 h, heure du Québec, 6 h du matin. Donc moi, il fallait que je sois en onde à 6 h. Donc il fallait que je me lève à 3. Je me lève à 3 h durant la nuit pour préparer mes interventions, savoir qu'est-ce qui s'était passé la veille, faire un petit retour sur les médailles du Canada ou les performances canadiennes. Je vous dis que se lever à 3 h du matin, non, ça ne dit pas. C'est pas le fun. C'est C'est pas le fun. heureusement que c'est rien que pendant 15 jours. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a tout un travail derrière les caméras. Hein. Tu devais avoir des Ah oui. recherchistes, tu devais avoir plein de monde au travail. Ton équipe de travail, là, lorsque tu étais chef d'antenne, vous étiez combien? Ça dépend des jours. Des fois, on était plus que d'autres. Des fois, on OK. était un petit peu moins. Je dirais qu'en moyenne, en studio, juste en studio, il y avait moi, il y avait un technicien de son, des fois deux techniciens de son, il y avait deux ou trois caméramans. C'est juste en studio. En régie, je pense qu'il était 11, Et 11 ou monsieur, OK. 12 en régie, ou 10. Fait que c'est vraiment une équipe complète parce que, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que quand on entend des gens à la télévision, des présentateurs ou des journalistes qui disent je vous ai préparé telle affaire, non, c'est pas vrai, c'est pas je vous ai préparé, c'est on vous a préparé. Parce que c'est une équipe, il faut être une quinzaine de personnes à peu près au moins pour faire, en tout cas, ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques avec un statisticien qui prépare les tableaux de statistiques qu'on voit à la Ouais. télévision, quelqu'un qui s'occupe de faire le montage des images, quelqu'un qui s'occupe de faire le supplé pour que les images partent à la télévision. Quelqu'un qui s'occupe de mettre les petites informations en surimpression au bas de l'écran, qu'on voit mon nom qui apparaît à l'écran, ben, faut que quelqu'un le mette. Un aiguilleur qui s'occupe que tout soit correct, un producteur au contenu, un réalisateur pour que tout soit bien dans l'ordre, une assistante qui nous donne des décomptes. Pendant que nous, on parle, on entend dans nos oreilles un décompte de 15 secondes, 10, 9, 8, pendant Ah que nous, ouais. on parle. Fait qu'il faut pas que ça paraisse, qu'on a un décompte dans l'oreille. Mais c'est une équipe vraiment complète qu'il fallait pour les Jeux Olympiques, puis c'est exactement ça qu'on a eu, puis c'était parfait comme ça. Puis là, tu avais la retransmission internationale. Imagine-toi que si vous auriez été sur place, ça aurait été encore double et triple par mètre de gens. Hein? Probablement, mais ça dépend aussi pour le travail que nous, on avait à faire en tant que présentateur des Jeux Olympiques comme ça. L'équipe, j'imagine qu'elle devait être sensiblement peut-être un peu plus à Rio, oui, mais c'est sur le site des compétitions en tant que tel que ça aussi, ça prend une grosse équipe. C'est deux métiers différents, si on veut, Ouais. analyser, puis d'écrire un match de volleyball de plage, et puis après ça, faire le lien entre les compétitions en studio, comme je faisais, comme Marie-Josée Turcotte faisait, comme Claude Mayotte, peu importe. Ben, c'est vraiment des équipes, des métiers différents, puis ça prend des équipes différentes aussi. OK. As-tu filé down hier? Parce que moi, je me sens comme le lendemain du Super Bowl. Moi, je suis un grand amateur de la NFL. Puis le lendemain du Super Bowl, on a comme un deuil à faire. T'as-tu le même feeling hier ou t'étais bien content puis tu voulais passer à autre chose? Non, moi, hier, je me suis dit, bon, ça va faire différent. Oui. Mais j'étais pas down, j'étais pas triste ou peu OK. importe, là. Je me disais, bon, ça va faire changement. Puis hier, j'étais fatigué, ça avait pas de bon sens. J'ai Ouais. zappé, puis je suis tombé sur l'émission American Ninja Warrior, je sais pas si tu connais. Oui. C'est De un nom. parcours obstacle avec des gens très en forme, puis c'était faisait un peu comme une compétition olympique, mais de façon plus spectaculaire, plus spectacle que compétition. Mais moi, j'ai eu ma petite dose de sport hier soir. Heureusement. Non, j'ai pas été déçu. Là. Ça fait du bien même de ne pas faire d'autres choses. Heureusement qu'il y aura beaucoup de pour un amateur de sport, on s'en vient dans la période vraiment tripante avec le début de la NFL, la Coupe du monde de hockey, le baseball. Il va y en avoir pour tous les goûts, le US Open et ainsi de suite. Tous les sports sont mélangés. Là. Il y a le soccer aussi, le hockey qui commence bientôt. On est dans la période de l'année où tous les sports arrivent en même temps. Ouais. Michel, ton fait saillant des Jeux? Mon fait saillant des Jeux, j'en ai deux. C'est DeGrasse et Usain Bolt en demi-finale du 100 mètres. Ils sont regardés à la fin, ils couraient quasiment main dans la main dans un champ de banquette. Il n'y avait rien d'autre en arrière que deux. Il y avait juste ces deux gars-là qui avaient une complicité qu'on a vu naître. Puis qu'on, peut-être qu'elle était là depuis longtemps, mais qu'on a vu sur la scène mondiale. Et l'autre fait saillant, c'est bizarre à dire, hein, c'est la marche, le 50 km. Okay. Jamais j'aurais pensé regarder une compétition de marche avec autant d'attention, pour autant d'intérêt. C'est le Canadien, c'est Evan Dunphy qui était troisième. Il restait même, je pense même pas 5 km à la course, à la marche de 50 km, c'est longtemps. Puis un Japonais et le Canadien se sont accrochés. Finalement, le Japonais est arrivé troisième. Le Canadien a traversé la ligne d'arrivée quatrième, complètement fini et s'emboulait. Après la compétition, ils ont suspendu le Japonais, ils l'ont disqualifié. Ouais. Donc la médaille est allée au Canadien. Un peu plus tard, ils ont redonné la médaille au Japonais. C'était vraiment un épisode que je pensais pas vivre avec de la marche. Je me disais, voyons, ils font de la marche. Ils font juste marcher. Mais non, c'est quelque chose, c'est vraiment intense, puis j'ai vraiment aimé ça, regardez ça, c'est bizarre, mais ben oui. J'ai aimé ça. Mais c'est des sports, les Olympiques, c'est ça, c'est des sports qu'on regarde, qu'on connaît pas, puis que finalement on apprend à connaître, hein, on sort un peu de notre routine du hockey, du baseball, du football, là, puis on découvre d'autres sports, ben puis on aime ça, là. Ben oui, le water polo, oui. Je me suis rendu compte que le gardien italien mesure 6 pieds 9. Hey. Ça, je me suis dit, mais ça donne rien, tu sais, de toute façon, ils ont toutes les épaules sorties de l'eau, là, peu importe la grandeur des jambes. Mais non, c'est parce qu'à 6 pieds 9, t'as des grands bras. T'as des grands bras pour bloquer le but. Il y a plein de choses comme ça qui fait, ah ben oui, c'est vrai, ça existe. C'est ces caractéristiques-là qui font que l'athlète est bon. Ouais. 22 médailles, c'est bon, hein. C'est excellent. Écoute, on visait 19 médailles. D'en avoir eu 22, puis il y a eu quelques déceptions en judo, entre autres. Donc on peut être content, hein? Ben oui, c'est la meilleure école depuis Atlanta, je pense. Ouais. Puis même avant ça, la meilleure école du Canada, je pense que c'est 44, mais les jeux, c'était des jeux de Los Angeles, je pense qu'ils avaient été boycottés. Mais 22, tu sais, nous on regarde ça, on se dit, ah ok, oui, 22, c'est bon. Sauf que si on regarde ce qui s'est passé avant, il y en avait eu juste une médaille d'or à Londres. Ben oui. Non, on a eu quatre. Il y a juste Penny Oleksiak qui a eu quatre médailles à elle toute seule. C'est intense, c'est fort, là. Ça, c'est la révélation des jeux, ça. Personne ne l'a vu venir. Oui. Personne ne l'a vu venir, ce jeune Penny-là. Non, personne n'avait vu venir à 16 ans. Elle est au secondaire 4. Imaginez, hein. Elle est en secondaire 4. Ouais. Elle gagne des médailles olympiques. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ah, effectivement. Ben, Michel, très intéressant que tu nous as partagé ton expérience. Pour plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup, Danny. Voilà, de RDS, Michel Laprise.